descend encore vers le salon. Il veut regarder la télé. Dépêchez dans son port, y'a ma main m'enlever ses bords. Question de laisser respirer. Excité de voir son père entrer, à court vers lui pour se faire aimer. Toujours un peu crétin à ses réactions spontanées. Le petit sait plus comment l'approcher. Des pères, des fils, de génération en génération. L'histoire persiste entre le père. Le père est fatigué, t'as pas crié de quoi s'agiter. Il dit va non et dit ta mère appelle le souper. Toujours obéissant au désir du paternel, parce que ton père c'est son idole. Dépendant.